On les a appelés les bijoux de famille. La révélation aux États-Unis au mi-temps des années 70 d'un certain nombre de mauvais coups perpétrés par la CIA. Actions illégales, assassinats ou tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers, nombreuses atteintes aux droits de l'homme, etc. Parmi ces méfaits rendus publics à la suite d'enquêtes parlementaires et du travail d'investigation du célèbre journaliste Seymour Hersh, un dossier est presque passé inaperçu. L'affaire Nosenko, du nom d'un transfuge soviétique, victime du système inquisitoire et même paranoïaque qui régnait alors au sein de l'agence de renseignement états-unienne. Monsieur X décortique donc ce dossier, d'où émerge la figure inquiétante d'un chasseur d'espions qui a dirigé pendant plusieurs années le contre-espionnage de la CIA, James Jesus Angleton. Le fantôme gris, ainsi qu'on le nommait. Un personnage légendaire qui avait une fâcheuse tendance à voir des espions partout. Pour le plus grand malheur de Yuri Ivanovitch Nosenko. Propaganda professionnelle. Propaganda subliminale. Ruskov à New York fait vibrer l'Amérique. Mon œil de Moscou fait couler sa larme fatale. T'es prise dans le toit, je t'emballe. Propaganda professionnelle. Propaganda subliminale. Propaganda professionnelle. Balancer des médias, tes secrets défilent sur ma page. Sur la toile, je te dévisage. Dans l'écueil, j'espionne tous tes secrets. Dans mon œil, tu te perds dans les reflets. Tu batailles, tu rues dans la cage. Sur la toile, je te dévisage. Sur la toile, je te dévisage. Sibérique, tu pagues. Ton réseau se propage, s'accumule en nuages. Tu flottes, tu voyages sur la toundra. Non-stop. Propaganda da da da da da. Propaganda da da da da da. Propaganda da da da da da. Propaganda da da da da da. Propaganda da da da da da. Inter. Patrick Pénaud, un rendez-vous avec X. L'affaire Nosenko commence de façon triviale et même un peu ridicule. On est alors en juin 1962. Youri Nosenko, officier du KGB, est envoyé à Genève, où les délégations états-uniennes et soviétiques vont entamer des négociations sur le désarmement. Quelle est la mission de Nosenko, là ? Il est chargé d'assurer la sécurité des représentants soviétiques. Ouais, c'est-à-dire qu'il doit aussi les surveiller. Bien entendu. Mais dès son arrivée à Genève, cet officier donne libre cours à sa soif de liberté. Et quand je parle de soif, je n'invente rien. Nosenko boit beaucoup trop. Et il passe la nuit avec une prostituée. Toutefois, son réveil est difficile. Et pas simplement à cause de sa gueule de bois. En partant, au petit matin, la belle lui a fait les poches et s'est emparée d'une liasse de francs suisses. Pour une valeur de 800 dollars. Ben c'est classique, hein ? Certes, mais cet argent n'appartient pas à Nosenko. Il lui a été confié par le KGB pour assurer sa mission. Et il est bien connu que la centrale soviétique est près de ses sous et exige de ses agents qu'ils utilisent l'argent qui leur a été confié à bon escient. Oui, alors Nosenko doit donc trouver un moyen de se refaire s'il ne veut pas avoir d'ennui. Exactement. Et là, on en arrive à un épisode curieux qui frise l'invraisemblance. Nosenko, au lieu de chercher de l'aide dans son propre camp, s'adresse à un fonctionnaire américain, un certain David Mark. Pourquoi lui ? Membre de la délégation américaine, Nosenko pense qu'il est un agent de la CIA. Ah, ça veut dire déjà que Nosenko est prêt à trahir. Ah bah, ça me semble évident. Mais si le soviétique prend contact avec ce Mark, c'est peut-être qu'il le connaît déjà, puisque ce fonctionnaire du département d'État était autrefois en poste à l'ambassade de Moscou. Enfin, peu importe. Nosenko lui fixe rendez-vous dans un restaurant et lui raconte sa mésaventure. Il explique qu'il a besoin de renflouer sa caisse de toute urgence. Oui, donc il lui demande de l'argent. Et en échange, il est prêt à fournir certaines informations intéressantes à la CIA. Pour seulement 800 dollars ? Oui, je sais, ça semble très peu. Et plus tard, ça sera retenu contre lui. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Contrairement à ce que pense Nosenko, David Mark n'est pas un agent de la CIA, même s'il lui est arrivé de rendre de menus services à l'agence. En tout cas, ce haut fonctionnaire comprend immédiatement tout l'intérêt de cette situation et il alerte la CIA. Deux agents chevronnés de la CIA sont dépêchés en toute urgence à Genève, dont un nommé Tennant Bagley, un officier de la division soviétique basée à Berne qui parle un peu le russe. Il rencontre Nosenko. Évidemment. Ils se rendent compte très vite qu'ils ont affaire à un gros poisson. C'est en effet la première fois qu'un officier supérieur du 2e directoire du KGB, celui qui s'occupe du contre-espionnage et de la sécurité intérieure, est sur le point de faire défection. Alors, avant d'aller plus loin, là, que savez-vous de la carrière de Nosenko ? Cet Ukrainien est né en 1927 dans une famille de la nomenklatura. Son père, un ingénieur, a été ministre de la construction navale, membre du comité central du Parti communiste et député du Soviet suprême. Après plusieurs faux départs, Youri intègre, grâce à son père, le prestigieux Institut d'État des Relations internationales de Moscou, dont il sort diplômé en 1950. Ouais, oui, il est lancé, quoi. Et il est aussitôt recruté par le KGB. Au sein du premier département, il est d'abord responsable des opérations de désinformation contre les États-Unis. Puis il travaille à la section du KGB chargée de surveiller et éventuellement d'approcher les anglo-saxons voyageant en URSS. Il faut observer que Nosenko a déjà une réputation de fêtard. Ça ne l'empêche pas d'être promu capitaine en 1959. Muté au département américain, il espionne l'ambassade de Moscou. Oui, grâce aux micros dont les soviétiques ont truffé les murs lors de sa construction. Oui, mais il devient chef adjoint du département touristique du KGB. Département touristique, un curieux appellation. Et c'est à ce titre qu'il a donc été envoyé à Genève. Alors justement, revenons en Suisse. En juin 1962, Bagley câble au QG de la CIA à l'anglais que selon lui, Nosenko a totalement prouvé sa bonne foi et qu'il a déjà fourni des renseignements importants. Par conséquent, le côté un peu rocambolesque de sa prise de contact, Nosenko est jugé fiable. C'est l'opinion de Bagley. Et Nosenko donne bientôt de nouveaux témoignages de son désir de coopérer avec les Américains. De retour à Moscou, il transmet des informations à son agent traitant, Tennant Bagley. Cependant, à l'anglais, on émet des doutes sur la fiabilité de Nosenko. Mais pourquoi ? Le patron tout-puissant du contre-espionnage de la CIA, John Singleton, est très méfiant. Il n'arrive pas à croire qu'un fils d'apparatchik ait pu trahir pour quelques centaines de dollars. On ne peut que lui donner raison, non ? Apparemment, oui, car dans le domaine du renseignement, la question des transfuges est certainement la plus délicate. Oui, car on peut toujours craindre que le service ennemi essaie de vous intoxiquer. En vous envoyant un faux transfuge qui, en vous apportant d'abord de vraies informations pour assurer sa crédibilité, vous fournit ensuite des renseignements biaisés et mensongers. Oui, c'est le fin de vous tromper. Mais si la réaction d'Angleton paraît de prime abord sensée, il faut aussi tenir compte de la psychologie du personnage et également du parcours professionnel de ce maître espion. Alors, si vous le permettez, abandonnons un moment Nosenko et voyons cela de plus près, même si, rappelez-vous, j'ai déjà évoqué ce chasseur d'espions il y a quelques années. Il faudrait d'abord rapidement parler de son père, un admirateur de Mussolini. Mais le fils a-t-il partagé cette admiration ? On peut l'imaginer. James, après des études de droit, postule pour entrer dans les services de renseignement. La CIA n'existe pas encore, hein ? Non, c'est l'OSS, un service créé de toutes pièces quand les États-Unis vont s'engager dans la guerre. Et pour former ces agents, les Américains demandent l'aide des Britanniques qui ont une longue expérience dans ce domaine. C'est ainsi que James Angleton va faire la rencontre la plus importante de sa vie d'espion. Ouais, je crois me rappeler. Philby, n'est-ce pas ? Oui, l'agent double britannique Philby, sur qui ne pèse encore aucun soupçon, est alors considéré comme l'un des as de l'intelligence service. Et c'est lui qui va initier Angleton au mystère de l'espionnage. Avec Philby, Angleton se trouve en face d'un vrai maître. Les deux hommes sympathisent. Philby, vous le savez bien, est un type séduisant, intelligent, très cultivé aussi. Exactement le genre de personnage auquel le jeune Angleton voudrait ressembler. Philby travaille depuis longtemps pour les Soviétiques. Ne va-t-il pas être tenté d'enrôler Angleton ? Quand on connaît la suite, on peut se poser la question. Enfin, je crois que non. Philby ne l'a pas recruté. Parce qu'il était plus intéressant pour Philby de nouer de très bonnes relations avec ce jeune homme prometteur. En outre, politiquement, Angleton était très anticommuniste. Ouais, c'est aussi ce que prétendait être Philby. En tout cas, le jeune homme apprend vite. Il a manifestement des dons pour le métier. Et c'est la partie la plus difficile, la plus ambiguë qu'il passionne, le contre-espionnage. Angleton possède toutes les qualités nécessaires. Il est curieux, énergique, intelligent, sceptique, et il est fasciné par tout ce qu'il peut y avoir de tortueux dans l'âme humaine. Enfin, il y a du chasseur chez lui. Certaines perversités aussi. Sans aucun doute. Angleton, qui était ambitieux, imaginait de faire de son métier une sorte d'art. C'est quand même assez extraordinaire de penser que ce chasseur de taupes a été formé par un homme qui était lui-même un agent double. Oui, mais en même temps, il était à bonne école, non ? Car Philby, et pour cause, connaissait toutes les ficelles. Et le déroulement de sa carrière, alors ? C'est en tant que lieutenant qu'il rejoint les forces alliées en Italie. Et il est déjà affecté au contre-espionnage. Dès la fin de la guerre, James Angleton donne la mesure de son talent. La guerre froide est déjà en gestation. L'activité des services occidentaux est dirigée vers l'Est où se trouve l'ennemi de demain. Or, dans cette lutte qui se prépare, l'Italie occupe une place de choix. À cause de sa situation géographique ? Pas seulement. Mais c'est vrai qu'elle a une frontière avec un pays communiste, la Yougoslavie de Tito. D'autre part, au nord, il y a l'Autriche, où existe une zone occupée par les Soviétiques. Et l'Autriche qui est alors un vrai nid d'espions. C'est exact. Mais en Italie, il existe aussi un parti communiste très puissant, peut-être plus puissant que le parti français. Pour Washington, c'est très préoccupant. Angleton est donc chargé d'infiltrer le service italien. À ce titre, il joue un rôle important dans la création de ces réseaux Gladio dont nous avons parlé si souvent. Des réseaux anticommunistes, il faut le rappeler. Oui, Angleton y engage des types qui ont appartenu au service secret de Mussolini. De la même façon, il participe à la propagande anticommuniste en finançant des journaux, des syndicats, le Parti socialiste et surtout, bien évidemment, le Parti démocrate chrétien. Angleton avait d'ailleurs un très bon correspondant au Vatican, Monseigneur Montini. Ah oui, le futur Paul VI. Oui, vous imaginez bien que le Saint-Siège n'avait pas très envie de voir les communistes italiens s'emparer du pouvoir. Il était donc favorable aux initiatives américaines qui étaient souvent sonnantes et trébuchantes. Mais il y a encore plus grave. Angleton a été aussi au cœur des réseaux Ratlines, ces réseaux chargés d'exfiltrer les anciens nazis. Oui, dont certains, comme Barbie, ont été récupérés par les Américains. En effet. Et si Angleton a été mêlé à cette affaire, c'est que ses filières d'évasion passaient pour la plupart par l'Italie, via l'Autriche. Quoi qu'il en soit, dans toutes ses activités, James Angleton a excellé. À Washington, ses chefs le considéraient comme l'un de leurs meilleurs agents à l'étranger. Et tout naturellement, lorsqu'il est rentré aux États-Unis en 1949, on lui a proposé un poste important au sein de la CIA qui avait été créé 2 ans plus tôt. Rendez-vous avec X. Monsieur X revient bientôt sur l'affaire Nosenko. Auparavant, un coup de projecteur sur les activités de James Angleton en Italie. Voici ce que j'ai lu dans le livre de Jean-François Brozzo Gentile, l'affaire Gladio. À la tête du Strategic Service Unit de l'OSS, un service en phase avec la droite italienne, il est un secret partisan de la faction archi-conservatrice du département d'État et entretient d'excellentes relations avec le service de renseignement du Vatican dans le cadre d'une unité anglo-américaine de contre-espionnage. Angleton a déjà commencé à collaborer activement avec les anticommunistes du Vatican. En 1948, il est le fidèle allié financier et logistique de son ami, le leader démocrate chrétien Alcide de Gasperi, lieutenant du Vatican dans la gestion du repentir nazi. 2 ans auparavant, il a injecté une dose importante de dollars dans le circuit financier de la campagne référendaire de la droite pro-monarchiste italienne. Jusqu'à la fin de sa carrière dans le renseignement, Angleton se réservera l'exclusivité des relations avec le Vatican. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié Yuri Nosenko, mais il vous faut savoir qui est l'homme qui va jouer un rôle si néfaste dans la vie du transfuge soviétique. De retour aux États-Unis, Angleton est chargé de gérer les relations avec les services de renseignement alliés. C'est une aubaine, car à cette occasion, il va revoir son maître, Kim Philby, devenu le chef adjoint du contre-espionnage britannique. Expliquez-moi, là. Angleton avait besoin d'un interlocuteur dans chacun de ses services. Et il a proposé que son correspondant britannique soit justement Philby, l'homme qui avait été autrefois son mentor. Philby, qui n'était toujours pas démasqué. Non, mais il l'avait échappé belle. Un certain Volkov, officier du KGB en poste à Ankara, avait pris contact avec les services anglo-saxons. Ah, il voulait changer de camp. Oui, et ce type connaissait presque certainement l'identité des 5 de Cambridge, comme on les a appelés. Donc Philby. Mais à Londres, Philby, justement, a été le premier à apprendre que ce Volkov voulait passer à l'ouest. Il est intervenu à temps. Le candidat transfuge a été rapidement rapatrié à Moscou et liquidé par ses collègues du KGB. Oui, Philby n'a donc pas été soupçonné. Et à l'époque où Angleton demande que Philby soit son interlocuteur britannique, l'agent double est même pressenti pour devenir le futur patron du contre-espionnage britannique. Ce qui ne sera pourtant pas. Mais il devient effectivement l'officier de liaison de l'Intelligence Service à Washington. Joli succès pour ces employeurs soviétiques. Ah, très joli, oui. Car désormais, la CIA n'aura plus beaucoup de secrets pour le KGB. Mais encore plus machiavélique. C'est-à-dire ? Philby, qui connaît bien son Angleton, va s'employer à lui mettre dans la tête l'idée que nombre de services occidentaux étaient infiltrés par le KGB. Alors qu'il était lui-même l'un des principaux agents de cette infiltration. Mais n'était-ce pas dangereux, pour lui, je veux dire ? Non, Philby était sûr de son coup. Le fait de révéler à Angleton l'existence de ces taupes ne pouvait qu'exciter le caractère déjà soupçonneux de l'Américain. Et Philby lui a apporté des preuves. il était mieux placé que quiconque pour les détenir, puisqu'il était lui-même à l'origine d'un certain nombre de trahisons. Alors, il a attiré l'attention de Dangleton sur plusieurs échecs que les services occidentaux avaient subis dans la deuxième moitié des années 40. Oui, par exemple, les Anglo-Saxons avaient songé à créer des maquis derrière le rideau de fer. Des hommes, et parfois certains, étaient d'anciens collaborateurs des nazis, ont donc été envoyés dans les pays de l'Est. Mais dans la plupart des cas, ils ont été arrêtés à peine arrivés ou parachutés. Mmh. Et c'était Philby qui les avait trahis ? Généralement, oui. Philby et ses amis de Cambridge. Alors par conséquent, en révélant à Angleton qu'il y avait eu trahison, il attisait les soupçons de l'Américain et lui mettait dans la tête l'idée que les services occidentaux étaient truffés de taupes. Oui, avouez que c'était particulièrement machiavélique. Mais l'objectif de Philby... Il voulait introduire le doute et la méfiance à l'intérieur de la CIA, et donc le désordre. Et ça a fonctionné ? Parfaitement. Le meilleur exemple est fourni par l'attitude d'Angleton lors de la campagne anticommuniste de McCarthy. Angleton qui, politiquement, devait être proche du sénateur. Hein. Certes, et pourtant son esprit tortueux était tel qu'il a soupçonné le sénateur McCarthy d'être un agent soviétique. Oui, mais pourquoi alors ? Angleton considérait que l'acharnement du sénateur était suspect, car sa campagne anticommuniste produisait l'effet inverse de ce qu'il recherchait, en dévalorisant l'image de l'Amérique et en provoquant l'hostilité de l'opinion mondiale contre les États-Unis. Une animosité orchestrée par Moscou. Mais c'était pas tout à fait faux. Hein. C'est évident. Les Soviétiques faisaient flèche de tout bois. Et la chasse aux sorcières menée par McCarthy leur offrait un excellent argument de propagande anti-américaine. Donc, pour Angleton, il n'y avait pas de doute. McCarthy était en réalité un agent soviétique. C'est quand même fou. Ah oui, c'est le mot juste. Et le génie diabolique de Philby a consisté à découvrir cette fêlure psychologique chez Angleton et à tout faire pour l'agrandir. Mais attendez, là, on est loin de Nosenko, là. Hein. Je vais y revenir. Mais il vous fallait connaître d'abord quel était l'homme que Nosenko allait trouver en face de lui. Et si vous me le permettez, je poursuis. Ce que vous devez savoir, c'est que malgré ce qui apparaît aujourd'hui comme un véritable grain de folie, James Angleton est peu à peu devenu un acteur essentiel de la CIA. C'est si vrai qu'en 1954, je crois, il accède à un poste clé, la direction du service de contre-espionnage de l'agence. Un poste qu'il va occuper 20 ans durant. C'est donc à lui qu'il revient de traquer les traîtres. Et aussi, point essentiel dans notre histoire, c'est Angleton qui doit sonder les transfuges. Oui, afin de déterminer si ce sont de faux ou de vrais transfuges. Oui, il s'agit d'un travail très délicat qui demande à la fois d'éminentes qualités psychologiques et de la méthodologie. Autant le dire tout de suite, c'est la partie de son travail qui passionne Angleton. Ouais, le jeu du chat et de la souris. C'est à peu près ça, oui. Encore une fois, Angleton se réfère à son modèle et maître, Philby. Même si sa promotion au sein de la CIA le situe maintenant à égalité avec le Britannique. Ce sont désormais deux amis inséparables qui déjeunent une fois par semaine dans un restaurant de Washington et qui, bien sûr, échangent de précieux renseignements. Mais, et Angleton ne peut pas encore le savoir, c'est un vrai travail de sape que ce livre Philby. Un travail de sape ? Oui, je vous explique. Philby est alors l'une des pièces maîtresses de l'espionnage soviétique. Grâce aux relations très étroites qu'il entretient avec Angleton, le KGB dispose de très bonnes informations sur la CIA. La centrale soviétique peut d'abord prévenir d'éventuelles arrestations de ses agents infiltrés à l'Ouest, car Philby est l'un des premiers à être informé des soupçons qui pèsent sur telle ou telle taupe. C'est ainsi qu'il permet à deux de ses amis de Cambridge de fuir à temps. Oui, cela c'est... sont Burgess et MacLean. Hein. C'est ça. Philby intervient aussi efficacement dans l'affaire Venona. Ouais, les messages codés de Moscou. Oui, je vous rappelle. Il s'agit d'une masse de communications radio enregistrées par les Américains, mais qui n'ont jamais pu être décodées. Toutefois, un spécialiste s'est mis en tête d'arriver à casser ce code. S'il y parvient, c'est tout un pan du réseau soviétique implanté aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada qui risque d'être découvert. Philby, toujours grâce à son amitié avec Angleton, se tient régulièrement informé de l'avancée des travaux de cet expert. Et il informe Moscou. Ça permet à de nombreuses taupes de passer à travers les mailles du filet, même si d'autres seront sacrifiées pour mieux dissimuler celle-là. Je vois que vous pensez aux époux Rosenberg. En particulier. Mais je continue. Si les deux premiers objectifs de Philby, l'information sur la CIA et la protection des taupes soviétiques, étaient très importants, le troisième l'était encore plus. C'était un travail de longue haleine que le Britannique n'a pu entreprendre qu'en raison de la psychologie si curieuse de James Angleton. Ouais, son caractère excessivement soupçonneux. Oui, une obsession quasi maladive. Et vous verrez où ça le conduira dans l'affaire Nosenko. Donc, dans un premier temps, Philby, de façon très cynique, encourage cette hantise. Ouais, en lui faisant croire qu'il y a des tombes partout. Je vous l'ai déjà dit, je n'y reviens pas, mais il a fait encore plus fort. Il a convaincu Angleton qu'il existait à la CIA, à un niveau supérieur, un agent double dont la présence expliquait la plupart des déboires de l'agence. La grosse taupe, comme disait Angleton. Une grosse taupe qu'il va désormais pourchasser jusqu'à la fin de sa carrière. Mais sans succès. Naturellement, puisque l'existence de cette grosse taupe est une invention de Philby. Mais Angleton, lui, y croit dur comme fer. C'est ce qui compte. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Étrange couple que celui formé par Philby et Angleton. L'espion britannique a levé un coin du voile dans un livre de mémoire publié à Moscou après sa fuite à l'Est, avec l'autorisation du KGB, bien sûr. Extrait. Nos rapports s'inspiraient, j'en suis sûr, d'une amitié réelle et cependant nous avions l'un et l'autre, des visées plus longues. Il ne prenait tant de soin de moi que pour me garder sous cloche. Et j'étais, quant à moi, satisfait de lui tenir le bec dans l'eau. Plus la confiance régnait entre nous, moins il risquait de soupçonner quelque action en sous-main. Lequel d'entre nous gagnait le plus à ce jeu complexe, je ne saurais le dire, mais j'avais un gros avantage. Si je savais ce qu'il faisait à la CIA, et lui, ce que je faisais pour l'Intelligence Service, en revanche, il ignorait à quoi je m'intéressais réellement. Donc, si je vous ai bien compris, Philby faisait tout ce qu'il pouvait pour que son ami Angleton consacre tous ses efforts à chasser cette grosse taupe. Et qu'en agissant ainsi, il mette une pagaille noire au sein de la CIA. Car cette chasse va faire beaucoup de victimes. Et l'agence va payer très cher cette désorganisation. Enfin, je vais y revenir. Deux événements vont parachever ce travail d'orfèvre. À commencer par cette énorme révélation. Philby était en réalité un agent soviétique. Et une grosse taupe lui aussi, quoi. Et ce sont les services britanniques qui ont démasqué Philby. Philby qui a réussi à gagner l'URSS avant d'être arrêté. Pour Angleton, ça a été un coup terrible. Lui, le spécialiste du contre-espionnage, le chasseur de taupes en chef de la CIA, a été incapable de deviner que son ami, Kim Philby, était un espion. Et ça l'a bouleversé, j'imagine. Et ça a contribué à exacerber son dérangement mental. Après ce coup, Angleton est devenu encore plus méfiant. Désormais, il en était sûr, il était environné d'espions. Est-ce que ça a eu des répercussions sur sa carrière ? Non, non, Angleton est demeuré à son poste. Il ne sera viré de la CIA qu'en 1974, soit 12 ans après la fuite de Philby. Et le deuxième événement, alors ? C'est l'arrivée à l'ouest d'un transfuge soviétique, un agent du KGB. Yuri Nosenko. Non, celui-là se nomme Anatoly Golitsyn. Il fait défection avant Nosenko, à peu près à l'époque où Philby, lui, prend le chemin de Moscou. C'est peut-être pas un hasard ? C'est ce que certains spécialistes ont imaginé. Et il s'agit là de l'un des plus grands mystères de cette histoire, car ça voudrait dire que ce Golitsyn aurait été un faux transfuge. Ouais. Et votre avis, alors ? Je suis très partagé. Je vous expliquerai pourquoi. Car si l'on en juge par les conséquences dévastatrices des révélations de ce transfuge, on ne peut pas ne pas être troublé. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. En tout cas, dès que Golitsyn arrive aux États-Unis, Angleton le prend personnellement en charge. C'est lui qui le débriefe. Et ça ira même plus loin, car le chef du contre-espionnage de la CIA en fera même l'un de ses proches. Alors, pardonnez-moi d'insister, mais Quel est le rapport avec ce Nosenko dont vous avez promis de me raconter l'histoire ? On y vient. Car cet autre transfuge, Golitsyn, sera son pire ennemi. Je dois donc auparavant évoquer ce dernier. Bon, je vous écoute. Au KGB, il a d'abord été affecté à la division anglo-américaine. Puis il est envoyé dans une section chargée d'analyser les informations en provenance de l'OTAN. Mais déjà, c'est ce qu'il affirmera plus tard, il songe à passer à l'Ouest. Mais pourquoi alors ? Il dira que le travail de rond de cuir qu'on lui avait confié n'était pas à la mesure de ses talents. C'est donc un personnage qui a une haute idée de lui-même. Et qui est même franchement vaniteux. Non, Golitsyn estime qu'il est un authentique spécialiste du contre-espionnage. C'est important, parce que lorsqu'il se trouvera face à Angleton, il saura comment se comporter. Autre caractéristique que du personnage. Il a été en poste à Vienne et il a donc goûté à la vie occidentale. Et il a envie d'y goûter à nouveau. Très certainement. D'ailleurs, il expliquera que c'est en Autriche qu'il a commencé à penser à une possible défection. Et il s'y est préparé. Mais comment ? En vue de sa future défection, il prend des notes. Parce qu'il ne peut pas arriver en Occident les mains vides. Ouais, mais des notes sur quoi ? Son travail de bureaucrate ne lui permet pas d'identifier les agents soviétiques en poste à l'étranger. Mais en opérant par recoupement, il a quand même la possibilité de situer l'origine des fuites. L'origine géographique, vous voulez dire. Mais il n'a pas accès au nom de ces agents. C'est exact. Au début des années 60, coup de chance, il obtient d'être nommé à l'Ouest, en Finlande, plus précisément. Et c'est là qu'il va sauter le pas. Alors, comment ? Il se rend tout bonnement à l'ambassade américaine avec une petite liasse de documents. Ces fameuses notes-là ? Évidemment. Mais il le savait, on ne l'accueille pas à bras ouverts. Alors, on commence par se méfier. Hein. C'est normal. Toujours la peur du faux transfuge. Et une question pour nous poursuivre. Là. Le KGB n'a-t-il pas fait une erreur en l'envoyant de l'autre côté du rideau de fer ? Si Golitsyn était un vrai transfuge, assurément. Car dans les services soviétiques, on n'ignorait rien de ses faiblesses. Et ça incline à imaginer que Golitsyn aurait pu être un faux transfuge. Oui, c'est très troublant. Helsinki, le chef d'antenne de la CIA, interroge Golitsyn, jette un œil sur ses documents et il estime que la prise est importante. Par conséquent, après avoir avisé ses chefs, il envoie le transfuge aux États-Unis, plus précisément à l'Anglais. Oui, le siège de la CIA. Oui, mais là, ça ne se passe pas très bien. Pourquoi ? Anatoly Golitsyn, qui a décidément conscience de sa propre valeur, refuse d'être débriefé par un officier subalterne. Et après avoir réfuté plusieurs agents, il exige d'être remis à James Angleton en personne. Mais ça aussi, c'est curieux, non ? Vous avez raison. Parce qu'à Moscou, grâce à Philby, on n'ignore rien de la psychologie très particulière du chef du contre-espionnage de la CIA. Et donc, si Golitsyn était un faux transfuge, il saurait très exactement comment manœuvrer Angleton. Ah, on ne peut pas l'exclure. Et effectivement, dès leur premier contact dans une retraite campagnarde de la CIA, le chasseur de taupes est séduit. Et d'abord parce que Golitsyn, tout vaniteux qu'il soit, possède de réelles qualités intellectuelles. Oui, mais ça ne suffit pas, ça, à convaincre Angleton de sa valeur de transfuge. Bien sûr que non. Très rapidement, Angleton, qui est toujours obsédé par la chasse aux taupes depuis que Philby lui a mis ça dans la tête, voit ses thèses confortées par les déclarations de Golitsyn. Celui-ci, en effet, affirme que les services soviétiques ont mis sur pied, à très grande échelle, un plan dont l'objectif est de duper les Occidentaux. Oui, mais il lui faut donner des preuves de ce qu'il avance. Naturellement. Alors, il parle, par exemple, des relations entre l'URSS et la République populaire de Chine. Oui, des relations entre les deux grands du monde communiste qui se sont fortement dégradées à partir du début des années 60. Hein. Mais Golitsyn prétend que c'est un leurre destiné à tromper les États-Unis et à fausser leurs évaluations politiques et stratégiques. Mais pardonnez-moi, mais c'est absurde. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais Angleton gobe cette affabulation. Alors qu'on sait, même à l'époque, que la rupture est réelle, hein, profonde. Oui, mais les révélations de Golitsyn arrivent au bon moment pour l'esprit fragilisé d'Angleton. Encore un signe, là, de la duplicité présumée du soviétique ? Certainement. Mais pour être crédible, il fallait tout de même que Golitsyn donne des preuves concrète de la qualité des renseignements qu'il était susceptible d'apporter à ses nouveaux amis américains. Bien entendu, il s'agit du cœur de cette affaire. Le transfuge commence par dénoncer toute une série de taupes opérant pour les services soviétiques. Ça, c'est déjà plus sérieux. Alors qui ? Bah d'abord, mais sans donner d'indication précise, il affirme qu'il existe une taupe au sein de la CIA. Ah bah c'est la grosse taupe que Angleton chasse en vain depuis que Philby l'a persuadé de son existence. Oui, et pour Angleton, c'est une confirmation qu'il travaille dans le bon sens. Ensuite, Golitsyn dit qu'en Grande-Bretagne, il existe un réseau de 5 agents soviétiques. Mais ce sont les 5 de Cambridge, oui, là. Le problème, c'est que 2 d'entre eux, Burgess et MacLean, sont déjà passés à l'Est. Et que Philby lui-même, suspect mais toujours libre, va bientôt disparaître à Moscou. Et les 2 autres ? Ah, ils seront identifiés plus tard. Mais ils ne présentent plus aucun intérêt pour les soviétiques. Le 4e homme, Sir Anthony Blunt, n'a plus d'activité d'espionnage. Et le 5e, John Cairncross, a lui aussi laissé tomber. Donc, dans cette affaire, Golitsyn n'a rien apporté de nouveau. Non, non, et on peut estimer, toujours en considérant l'hypothèse du faux transfuge, que via Golitsyn, le KGB a donné un réseau qui était déjà en partie brûlé. Autre révélation, quand même. Golitsyn dénonce un ambassadeur canadien qui était en poste à Moscou. Le KGB l'aurait piégé dans une affaire d'homosexualité. Une enquête a été déclenchée, mais rien de sérieux n'a pu être établi à l'encontre de ce diplomate. Parce qu'il a été démasqué ? Ou parce qu'on a révélé son homosexualité. On était dans les années 60, je vous le rappelle. Toujours en ce qui concerne le Canada, il révèle qu'une taupe a infiltré les services de l'OTAN. Mais les renseignements qu'il donne sont trop vagues. Et finalement, l'homme ne sera identifié et arrêté que 17 ans plus tard. Mais peu importe, l'information était bonne. Mais imprécise. Il a également parlé d'une taupe dissimulée à l'amirauté britannique. Vrai ou faux ? Vrai. Mais l'homme ne sera démasqué que 2 ans plus tard grâce à un autre défecteur soviétique. Alors, en somme, le bilan de Golitsyn est plutôt maigre. Ah, certes, mais Golitsyn dévite sa pelote petit à petit. Il économise ses cartouches. On en est là lorsque Golitsyn donne une information de première importance à Angleton. Il lui annonce que le KGB ne manquera pas d'envoyer de faux transfuges aux États-Unis pour le discréditer, lui, Golitsyn. Ah oui. Alors c'est justement le moment où Yuri Nosenko choisit de passer à l'Ouest. Nosenko, qui d'emblée est suspecté et qui va le payer très cher. Mais nous verrons cela dans notre prochain entretien. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub, et préparée par Rebecca de Nantes, qui, sur le même thème, a eu un coup de cœur pour cet ouvrage. Oui, Le chapiteau vert de Ludmila Ulitskaya, paru au début de l'été chez Gallimard. Un roman fresque magnifique qui raconte la vie de 3 jeunes Russes devenus dissidents par amour de la littérature. Tout commence à la mort de Staline en 1953. On va suivre pas à pas sur 4 décennies leur malheur face à la machine KGBiste. Un ouvrage où on communie avec l'âme russe. Parfait, Rebecca. Sur franceinter.fr, vous pourrez bien sûr écouter cette émission et communiquer avec nous. Rendez-vous samedi prochain et tout de suite après le flash. CO2, mon amour, de Denis Chessoux.